Notre huitième et ultime séance du séminaire poétique des sciences pour l'année 2013-2014. Nous concluons donc cette saison par une séance dont l'intitulé est « Économie de la connaissance et passif républicain ». Quelles alternatives à partir des SHS ? Et nous recevons, pour traiter de ce sujet, deux intervenants. Fabrice Dume, donc, qui est sociologue, chercheur à l'Institut social et coopératif de recherche appliquée, ISCRA, et dont, disons, le titre de l'exposé est « Perspectives sociopolitiques en matière d'égalité et d'antidiscrimination ». Et puis Martine Boudet, qui est professeur agrégé de lettres modernes, spécialiste d'anthropologie culturelle de l'Académie de Toulouse, qui interviendra sur le thème « Perspectives socio-éducatives en contexte de refondation de la formation des enseignants et de l'école ». Et je précise que Martine est l'organisatrice de cette séance. Alors donc Fabrice Dume, la parole est à vous.